chez Dolbo Auto. Le mois d'août, c'est le mois du camion avec le Silverado 1500 à cabine multiple. Financement à 0% sur 72 mois, plus 2 900 $ en remise au comptant à la livraison. Ou encore le Colorado 2019 à 1,99% pendant 60 mois, plus 1 250 $ en crédit total de financement. Profitez des rabais préférentiels aux membres Costco admissibles. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, 276-0580. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Triste anniversaire, évidemment, pour les amateurs de baseball à Montréal. Aujourd'hui, il y a 25 ans, les Expos menaient par 6 matchs et demi sur les Braves d'Atlanta, si ma mémoire est bonne, et il est arrivé un conflit dans le baseball majeur. La dernière grève, en fait, dans le baseball, une grève qui aura duré 232 jours. On en parle avec notre collaborateur Jacques Doucet. Salut Jacques. Salut Danny. Jacques, tu te rappelles très bien de cette année-là. Il y avait un momentum incroyable qui régnait sur les Expos. Écoute, l'histoire ne dit pas si on aurait gagné la Série mondiale, mais moi, je me rappelle du momentum. C'était un momentum incroyable. À partir du début du mois de juillet, si ma mémoire est bonne, les Expos étaient vraiment la meilleure équipe du baseball majeur. Ben écoute, ils avaient gagné 20 de leurs 24 derniers matchs. Ouais. Alors, est-ce que c'est ça qui nous fait dire qu'ils avaient le vent dans les voiles? Oui, effectivement. C'est extraordinaire. Et c'était... je me rappelle bien, là, en le début de saison, on avait été coup-ci, coup-ça. Ils avaient joué pour 500, mais l'équipe avec les jeunes, les Marquise Grissom, Deschutes n'est plus là, les Marquise Grissom, Walker, Moise Alou, Cordero, c'était incroyable, cette équipe-là. C'était quasiment... Tu regardes le trio de voltigeurs, Alou, Walker et Grissom, c'était un trio d'étoiles, là. Ah oui, écoute, c'est dommage qu'on n'ait pas pu les garder, là. Ouais. Mais écoute, moi, je me souviens très bien, lorsque la grève a été déclenchée, Felipe revenait des funérailles de son père en République dominicaine et nous avions subi une défaite par blanchissage aux mains des Pirates de Pittsburgh. Et évidemment, durant le déroulement du match, les joueurs avaient appris que oui, c'est la grève allait être déclenchée à minuit. Alors, on a complété le match quand même. Et une fois le match terminé, bien tout le monde a plié bagage. On est rentré à Montréal, tout le monde avait l'air dépité. Et si on se rappelle bien, Jean, que tu me corriges, je me trompe, on pensait pas que ça allait faire 232 jours. Certains disaient... Ben non, tout le monde disait, écoute, ça va durer une semaine ou deux, puis après... Ouais. Mais plus le conflit perdurait, plus on voyait que les deux clans étaient retranchés et que c'était immuable, mais on ne croyait jamais qu'on allait annuler la balance du calendrier et surtout la présentation de la Série mondiale. D'ailleurs, c'est la seule année au cours de laquelle la Série mondiale n'a pas été présentée. Oui, effectivement. Écoute, même durant la guerre, il y avait eu une Série mondiale? Ah oui, oui. C'était évidemment là, dans des circonstances spéciales, mais jamais une Série mondiale n'a été décommandé ou annulé, sauf en 1994. C'était qui le commissaire de l'époque, je me rappelle bien? Pardon? Le commissaire de l'époque. C'était Bud Selig. C'était Bud, OK. Est-ce que Bud Selig, je me rappelle, moi, il y a une année, tu me corriges, je me trompe, il y avait eu une grève, puis le commissaire du baseball avait intervenu, c'était Peter Yarbrough à l'époque, puis je pense que ça avait duré 2 jours, quelque chose comme ça. Ça, c'était avant les années 80. Est-ce que le commissaire aurait pu s'en mêler plus là-dedans? Pas vraiment, parce que il y avait aucun pouvoir décisionnel, lui-là. Ouais. Ça prenait l'accord majoritaire et presque unanime des propriétaires d'équipe, et aussi un accord unanime de la part des joueurs. Et puis, ce qui est plate là-dedans, Danny, c'est que l'arrêt de travail a duré 232 jours, puis ça n'a absolument rien réglé. Ouais. On a repris exactement au point où on était au moment du déclenchement de la grève à minuit le 12 août. Oui, c'était une lutte de pouvoir, hein? Bien, c'était une lutte de pouvoir. Écoute, c'était une lutte à finir. Les propriétaires du baseball majeur désiraient imposer un cap salarial. Oui. Les joueurs ne voulaient absolument pas. Puis d'ailleurs, ils ont eu raison. Moi, je me souviens pas vraiment d'un conflit entre les propriétaires et les joueurs où les joueurs ont perdu. Ouais. Ils ont toujours gagné en définitive et les propriétaires n'ont jamais pris leur leçon. Pourtant, aujourd'hui, le baseball est une entreprise qui, quoi, récolte quelques 12 milliards de profits par année. Tout le monde a sa part, puis là, il y a d'autres argents qui vont tomber dans les coffres avec l'arrivée possible là, du gambling. Oui, oui, oui, c'est incroyable. Parce que toutes les formations professionnelles, que ce soit au hockey, au basket, au baseball, au football, on se pourlèche les lèvres, là, parce qu'on sait que tout à l'heure, il y a une nouvelle manne qui va tomber du ciel de la part en provenance de la poche de ceux qui aiment parier. Il y en faut parce que le code coding, le câble qui se coupe, autrement dit, là, la version française, écoute, je suis pas sûr, mais que les contrats de télévision vont être aussi volumineux et autant d'argent dans les poches des propriétaires à l'avenir. En raison, évidemment, que les gens se désabonnent du câble. C'est un phénomène aux États-Unis et au Canada, ce genre que ça. Ah ben oui, ça, écoute, on rentre dans une période assez... Ouais. C'est un terrain qui n'a pas encore été défriché. Ouais. Mais au fur et à mesure que ça va aller. D'ailleurs, il sera intéressant de voir l'allure des négociations entre les propriétaires et les joueurs à la fin du présent contrat. Ouais. Jacques, revenons sur 94. Il y en a qui disent que c'était la fin des expos, le début de la fin. Moi, je dis que c'est arrivé bien avant ça. Moi, je dis que c'est arrivé à l'époque... Le champ de Gary Carter, ça a été, selon moi, la goutte d'eau qui a fait débat. Ça a été le premier balbutiement du début de la fin des expos. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Sans qu'il y ait quelque chose qui s'est coupé quand Carter a été changé. Ben, c'est évident que ça a été, ça a blessé le cœur des amateurs, mais les expos n'étaient pas les premiers à échanger un joueur série de la part des spectateurs. Là. Ouais. Et ce qui est arrivé en 94, c'est que l'équipe était sur une lancée. Moi, je me souviens très bien que les commanditaires frappaient à la porte des expos. Les gens qui voulaient louer des loges corporatives frappaient à la porte des expos. Je me souviens, on était rendu avec, surtout en anglais, mais un réseau radiophonique là, à qui on rajoutait des stations radiophoniques au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, et ça jusqu'à Vancouver. Alors, tu sais, à ce moment-là, l'avenir financier des expos semblait beaucoup plus rose et n'eût été de la grève, possiblement que les expos auraient pu garder la plupart de leurs joueurs autonomes, construire un nouveau stade, et peut-être que les expos seraient jamais partis, mais ça, évidemment, en rétrospective, la vision est toujours parfaite. Hein? Ouais. Est-ce vrai, Jean, que le même groupe aurait demandé à Claude Brochu en 1995 de revenir? Il y en a même qui aurait été, qui aurait, tu sais, je veux dire, accepté des baisses salariales pour rester ensemble. Est-ce que c'est vrai? Parce que les gens deviennent ça. Non, moi, je me souviens pas de ça. Je sais que Larry Walker a déjà dit qu'il aurait accepté un montant moindre pour signer avec les expos. Mais il y a pas vraiment d'offres qui lui ont été faites. Alors, on le saura jamais, là. Ouais. Si les Rockies lui offraient 1 million, puis nous autres, on lui offrait 500 000, est-ce qu'il aurait accepté 500 000? Ouais. On ne le sait pas. Okay. Alors, tu sais, c'est des paroles, c'est facile, mais quand on dit passe des paroles aux actes, voici le contrat, est-ce que tu signes en bas? Ben, il y en a qui sont réticents. Puis, faut pas oublier, Danny, aussi, que les agents ont toujours un mot très lourd dans négociations. Clair. Alors, tu sais, l'agent, lui, il sait que plus le contrat va être fort accordé à son poulain, mieux sa participation va être élevée. Ouais. Alors, tu sais, tout le monde pense un petit peu à sa poche, là. Oui, effectivement. Jacques, ce qui est la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce qui est le fun, c'est que Frédéric Degg, qui est en vacances actuellement, c'est un ami personnel, il est allé au Fenway Park la semaine passée, puis il se promenait avec son... Fred, qui est un partisan des Yankees, j'ai dit, t'es-tu promené avec ton chandail des Yankees au Fenway Park? Il dit non, mais par contre, j'avais le chandail des expos, puis la calotte des expos, puis je m'en ai su fait parler, puis les Américains veulent vraiment, ont hâte que les expos reviennent, tu sais. Puis j'en parlais avec Fred. Surtout à Boston, tu sais, Boston est pas loin de Montréal. Ouais. Et avant que les expos ne quittent, tu sais, c'était pas rare de voir, lorsque, tu sais, on avait des matchs contre les Red Sox, n'importe quoi, on avait une invasion des Américains, parce que tu sais, les États voisins, là, que ce soit New York ou le Vermont, le New Hampshire, c'est pas loin, ça. Ben non, non. Alors, à ce moment-là, c'est très facile, et surtout dans le contexte d'aujourd'hui où le dollar canadien, tu sais, il faut pas cher sur le plan des Américains. Alors, eux viennent à Montréal. Puis, tu sais, une chambre d'hôtel, ça leur coûte 20 % de moins. Puis, manger dans un restaurant, c'est 20 % de moins. Ouais. L'essence coûte peut-être un peu plus cher, mais quand même. C'est un attrait touristique, Montréal, pour les gens des États-Unis, des États avoisinants. Et surtout, si on vient dans l'Est américaine, c'est win-win. Autant pour ces gens-là que tu viens de nommer que les Ah, futurs. Ben oui. Ouais. Tu sais, auparavant, évidemment, les expos étaient dans la Ligue nationale. Et on avait quelques matchs, tu sais, contre les Yankees ou les Blue Jays, n'importe quoi. On avait certains matchs contre les équipes de la Ligue américaine. Ouais. Mais si jamais le baseball majeur revient à Montréal et que on a un calendrier avec la division S de la Ligue américaine, bien là, les données changent. Ouais. Jacques, puisque je n'ai parlé avec Marc vendredi, mais j'ai eu ton opinion avec Marc Griffin. J'ai eu ton opinion. Mark Shapiro, je ne sais pas si tu as eu connaissance, a fait une sortie dans les médias de Toronto jeudi, mentionnant qu'il voyait son équipe très compétitive en 2020. Moi, j'ai des doutes, parce que moi, je me disais, bon, ça prend au moins deux lanceurs partant minimum qui vont agir 1-2. Un releveur, peut-être même deux, autant gaucher que droitier. Marc me disait, puis il y avait juste le titre, il dit, on n'est même pas capable d'identifier actuellement un lanceur qui ferait partie de ta rotation. Ben, écoute, t'as sûrement pas lu ma dernière rubrique dans le Journal de Montréal, parce que mon titre, c'était « S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre ». Ouais. Okay. Alors, tu sais, je ne comprends absolument pas la décision des Blue Jays de laisser partir pour des presque rien, là, Stroman et Sanchez. Non. Moi, si j'avais été dans leurs souliers, évidemment, c'est facile de dépenser l'argent des autres, là. Ouais. Mais tu sais, moi, je les aurais offert des contrats à long terme, au moins 2 ans, ou sinon 3. Mm. Et avec ces deux gars-là, ben, avec les jeunes qui poussent, ben, tu avais une certaine base pour bâtir ton personnel de lanceurs partant, mais dans le moment, essaie de me trouver, nomme-moi un gars qui est sûr d'être un partant avec les Blue Jays l'an prochain. Ben, non, il n'y en a pas. Ce que j'ai dit, Tony Pearson qui est un beau prospect, mais c'est un beau prospect. Oui, mais il n'est pas prêt. Ah non, il ne peut pas être prêt. Et l'autre, c'est Murray. Ouais. Lui non plus n'est pas prêt. Ouais. Alors, moi, j'avais dit dans ma rubrique que la seule façon de vraiment mettre l'équipe sur la route d'une possibilité de participer aux séries, c'était de dépenser de l'argent et aller chercher au moins deux lanceurs autonomes de bonne qualité. Ouais. Peut-être pas des numéro 1, numéro 2, mais au moins des numéro 3, numéro 4. Puis après, on verra. Parce que les jeunes Pearson et compagnie ont besoin d'au moins une autre demi-saison, sinon une saison complète. Avant de dire, bon oui, lui, on est sûr que ça va fonctionner et on va le montrer. Alors, tu sais, tous les jeunes qu'ils ont essayé, que ce soit Reed Foley, que ce soit Gaviglio, qu'on utilise à l'occasion comme longue relève, où moi, je le laisserais toujours dans ce rôle-là. Là. Ouais. Mais les autres, là, Borocki est fini pour la saison, c'est déplorable. Alors, tu sais, moi, j'ai de la difficulté à croire les propos de M. Shapiro. Oui, effectivement. Puis j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. Puis c'est pas. En tout cas. Mais il va avoir de l'argent. Ouais. Ça, c'est sûr. Est-ce que le seul contrat qu'ils seront responsables la saison prochaine, sauf les joueurs qui sont en uniforme, c'est Tulowitzki. Ouais. Ah, c'est sûr. Mais tous les autres, là, tu sais, que ce soit Russell Martin, les autres, ils ont pu averser une scène de ça. Non. Alors, le gros coup, ils l'ont donné cette année parce qu'ils donnaient 20 millions à Tulowitzki, puis ils donnaient un autre 10 ou 12 millions à Russell. Alors, tu sais, c'était une trentaine de millions qui partaient en fumée sans avoir un seul joueur sur le terrain. Parce que ces dépenses-là ne sont pas là l'an prochain. T'as Trent Thornton qui peut être un cinquième partant dans une rotation. Mais il n'est pas régulier. Ouais. Puis t'as l'autre, là, Wozniak. Comment il s'appelle Wozniak? Tu sais ce que je veux dire? Wackerspack. Il n'est pas mauvais, mais tu ne peux pas te partir. Mais non, mais ce n'est pas une valeur. Tu ne peux pas dire c'est un de mes cinq partants l'an prochain. Effectivement. C'est jusqu'à maintenant. Ouais. Des fois, il y a de l'air d'un Cy Young, puis le lendemain, tu dis, il est revenu à la normale. Hey, Jacques, en terminant, les openers, ce qu'on appelle les openers. Oui. Est-ce que c'est moi j'aime pas ça. Est-ce que c'est une mode qui va passer vite? Je comprends pas le rapport là. Regarde les Blue Jays, ils peuvent pas faire autrement. Oui, les Rays aussi. Les Rays, c'est parce qu'ils ont pas cinq partants. Oui. Tant et aussi longtemps qu'une équipe n'a pas cinq partants. Même regarde les Yankees, là. Oui. Tu sais, avant-hier, c'était Green qui a commencé. C'est un partant d'occasion. Oui. Tant et aussi longtemps qu'une équipe n'a pas cinq lanceurs partants fixes dans leur alignement, ça va être des choses auxquelles il va falloir s'habituer. Mais ça passe de où, Jacques? C'est-tu parce que Rays ont commencé ça. Oui, je sais que c'est les Rays qui ont commencé ça, mais c'est-tu parce que parce que moi, auparavant, on disait dans les mineurs, il faut qu'un lanceur, pour qu'il soit prêt, c'est 1000 manches minimum, avant d'arriver. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça veut dire que c'est justement à cause de ça que ça a changé, que le fait que on prend pas de temps de développer nos lanceurs que cette situation. On les bouscule. Oui, hein? Et on gaspille peut-être des carrières aussi. Oui. Moi, je me souviens de Baylor Moore chez les Expos. Tu sais, tout le monde le voyait gros comme le soleil. Mais on l'a bousculé, il est arrivé trop vite et finalement, on a gaspillé sa carrière. Mais dans le cas d'aujourd'hui, dans le baseball d'aujourd'hui, c'est évident qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes prometteurs, très prometteurs, qui vont lancer 1000 manches dans le baseball mineur avant d'être appelés au majeur. Ouais. Ça s'en vient un peu plus rare. Et il ne faut pas oublier une chose, l'an prochain, avec les nouveaux règlements, là, les lanceurs gauchers là, qui sont appelés à faire face à un seul frappeur, ça n'existera plus. Là. Ouais, parce que tu vas amener un releveur et on va te demander s'il n'y a pas s'il n'y a aucun retrait, de faire face à au moins trois frappeurs. À moins que tu obtiennes le dernier retrait de la manche. Alors, tu sais, les stratégies de la part des dirigeants, des gérants du baseball majeur, tu sais, ils vont avoir beau s'appuyer sur toutes leurs données statistiques, là, le cyber... comment ils appellent ça? Le cyber énergétique là, et tout, là. Non. Ça va chambouler. Et aussi, moi, je prédis que la date des limites des échanges du 31 juillet, ça va être amendé parce que il y a trop de blessures qui sont survenues après le 31 juillet. Parce que là, les directeurs gérants vont dire, on va les remplacer comment, ces joueurs-là? Puis c'est des blessures à des joueurs clés. Ben, même ça au 15 août, genre, quelque chose comme ça. C'est ça, au moins donner un 15 jours de répit. Peut-être qu'on va élargir le champ des dépisteurs. Je lisais un article sur Internet, il y a un ancien joueur du baseball majeur, il menace le record des coups de circuit au Mexique. Il y a un autre gars au Mexique qui menace de devenir un frappeur de 400. OK. Il y a un autre qui menace un record là, de frapper 40 circuits puis voler 40 buts. Ouais. Alors, tu sais, les joueurs qui sont présentement dans le baseball indépendant ou qui sont au Mexique ou qui sont peut-être en Corée ou n'importe quoi, mais qui ne font pas partie d'aucune équipe du baseball majeur, ces gars-là peuvent être sollicités pour venir remplacer du monde parce qu'ils ont le droit de le faire même si la date limite des transactions est terminée. Puis tu as fait les capitales de Québec. Il y en a certains qui ont fait quand même... les capitales? Oui, qui sont... comment ils s'appellent? Delabar? Steve Delabar qui était... Il y en a beaucoup. Ouais. Et puis surtout, tu sais, il y en a un petit peu moins dans la Ligue Can-Am. Ouais. Mais dans la Ligue de l'Atlantique, tu as un paquet d'anciens joueurs du baseball majeur qui sont là, qui font belle figure, puis attendent juste un coup de téléphone pour être rapatriés dans le baseball majeur. Puis ils n'ont pas besoin de passer par le 2A, là. Mais non, effectivement. Jacques, très intéressant, très, très intéressant. On s'en reparle la semaine prochaine, tiens. Pourquoi pas? Le collaborateur Jacques Doucet.